On veut mieux comprendre. C'est votre entretien consacré à des sujets d'intérêt général. On veut mieux comprendre, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis après le Mag Info de 12h15 et 18h15. Présentation, Barthélémy Conné. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'être reçus par Monsieur Kwasi Priva, et donc dans les locaux là où il développe toutes les idées pour accompagner les différentes PME. Il faut préciser que Monsieur Kwasi est consultant des PME auprès donc du cabinet JEM, Jeune Entrepreneur Milliardaire. Avec lui, nous allons explorer un sujet crucial, le rôle stratégique de la formation dans le développement des PME. Dans un contexte où la compétitivité et l'innovation sont des moteurs de croissance, la formation apparaît comme un levier incontournable pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, avec M. Kwasi, nous verrons donc le rôle stratégique ou l'importance stratégique des formations pour les tenanciers donc de ces petites et moyennes entreprises. Et donc, bien avant toute chose, M. Kwasi, nous souhaiterions donc que vous nous dites deux mots sur la formation que vous comptez donner donc ici à Boaké le samedi 27 septembre 2025. Alors, mesdames et messieurs, notre invité est à vous. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour, monsieur Koné. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir pour nous. Merci bien. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi. Alors, monsieur Kwasi, comme je l'ai dit, revenez sur donc cette formation qui aura bel et bien lieu le samedi 27 septembre 2025. D'accord, merci monsieur Koné. La formation aura lieu le 27 septembre 2025 à l'Hôtel d'Éléphant et donc qui consiste à enseigner les principes de base. Voilà, les principes de base de la gestion. Voilà, pour comment aider à féconder une idée, comment aider à multiplier. Féconder une idée, c'est déjà bon, mais voilà, il faut des mécanismes pour pouvoir gérer cette entreprise pour qu'elle se multiplie. Voilà, et donc nous avons parlé du système de fonctionnement qui permet à une entreprise de grandir, voilà, de s'établir, de s'affermir, d'avoir des racines et de produire des fruits, voilà, et d'être générationnel. C'est surtout ça. Donc, voyez-vous, le plus souvent, on a une idée parce que c'est chaud, on veut entreprendre juste pour pouvoir payer nos factures, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se développer. C'est centré sur soi-même. Alors que tant que c'est centré sur nous-mêmes, c'est difficile de se développer. Ce n'est pas une vision. Voilà, une vision, c'est générationnel, ça s'étend sur plusieurs années, mais ça concerne tous les acteurs, ça concerne plusieurs familles. C'est-à-dire que vous mettez une entreprise en place, des familles vont venir travailler grâce à votre entreprise, ils pourront payer la scolarité des enfants, ils pourront se nourrir, ils pourront payer les factures. Là, vous êtes en train d'accomplir une mission et quand c'est comme ça, et l'entreprise est bénie et donc vous allez pouvoir vous multiplier et posséder d'autres territoires, comme par exemple si c'est à Boaké, voilà, la petite entreprise va s'ouvrir aussi à Daloa, à Korogo, ainsi de suite, et c'est comme ça que une entreprise devient indépendamment prospère. Alors, quel est le thème donc de cette formation et elle aura lieu où? Le thème de cette formation, c'est susciter dans ma maison une génération de jeunes entrepreneurs milliardaires pour relever les défis des temps difficiles à venir. Voilà, donc nous savons que d'abord, ça aura lieu à l'hôtel Éléphant, voilà, et comment c'est à Air France. Voilà, donc, et nous parlerons de ce thème, voilà, en expliquant que, effectivement, toute personne peut devenir milliardaire, voilà. Et parce que nous avons peur, beaucoup, parce que entreprendre, à vrai dire, je vais pas blaguer, c'est pas facile, mais c'est tout autre métier. Quand vous voulez devenir footballeur, c'est pas facile. Tout ce qu'on fait, il y a pas un métier qui est facile. Le temps d'apprentissage est un temps de sacrifice. Voilà. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est que personne n'a envie de se former. on se forme, c'est une formation qu'on doit faire. On va trouver beaucoup d'entreprises qui sont médiocres, tout simplement, des premiers sont médiocres, tout simplement parce qu'on a refusé de se faire former. Parce que la formation demande beaucoup d'humilité, demande beaucoup de résilience, demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup de patience, voilà, pour apprendre. Beaucoup de patience pour apprendre. Et donc, cette formation que vous allez donner à l'hôtel Éléphant le samedi 27 septembre 2025, quel est le coût de cette formation et surtout, quels sont vous avez entre autres donc parlé des objectifs de la formation, mais je veux dire, quels sont les moyens de paiement où est-ce qu'on peut payer? Et donc, d'abord, le coût de la formation. D'accord, merci M. Koné. Le coût de la formation, c'est à 10 000 francs. 10 000 francs, le grand public, parce qu'il y a deux types de tickets. Un ticket grand public qui coûte 10 000 francs et un ticket VIP qui coûte 15 000 francs. Voilà, la salle peut aller jusqu'à 200 personnes. Voilà, et donc, et pour payer, il faut juste passer par ce numéro 01 40 29 06 16, je répète, 01 40 29 06 16, voilà, ou aller sur la page Facebook Jeune Entrepreneur Milliardaire, et lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous ramène directement aux achats de tickets, voilà, à la billetterie, où vous avez la capacité de payer. Lorsque vous payez, vous incrémentez, vous envoyez le reçu de paiement. Voilà, nous, on peut incrémenter un ticket pour vous. Voilà, et puis vous serez chiffré répertorié dans nos bases de données. Donc, le jour de la conférence, vous venez avec votre ticket ou bien avec votre nom. Et parce que je pense pas que tout le monde a un portable Android. Voilà, donc, dès que vous avez votre nom, vous venez, on compare, on fait un croisement et vous pouvez rentrer, assister à cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Priva. Et nous revenons donc à notre formation, notre thème du jour. Je le rappelle à nos auditeurs, le rôle stratégique de la formation dans le développement des PME. Alors, Monsieur Kwasi, faites-nous comprendre le plus simplement possible. C'est quoi une PME? On dit petite et moyenne entreprise. Est-ce que la maman qui vend des beignets au bord de la route, est-ce que c'est une PME? Est-ce que le jeune qui gère sa cabine, est-ce que c'est une PME? Ainsi de suite, on évolue avec celui qui tient sa menuiserie, etc. C'est quoi une PME? Bon, comme le nom le dit, petite et moyenne entreprise. Voilà, et ce sont des petites entreprises qui se sont identifiées au registre du commerce, ou bien soit, comment on appelle ça, ou à la mairie. D'autres ont des patentes, mais il faut légalement se constituer. Sinon, on a beaucoup de PME qui ne sont pas connues, qui sont cachées, ils fonctionnent de façon artisanale, et ça, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, c'est d'encourager chacun à devenir une vraie PME, voilà. Une petite moyenne entreprise, voilà. Et donc, ici, c'est ce que je peux dire sur les PME, c'est-à-dire qui a une idée, qui a été fécondée, et lorsqu'il s'installe, il se déclare. Il faut se déclarer, et à partir de cette déclaration, voilà, vous êtes... On peut considérer que vous êtes un PME. Sinon, il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas répertoriés. Voilà, beaucoup ont peur de se déclarer. Beaucoup ont peur de se déclarer parce qu'il y a les frais à payer, ainsi de suite. Mais je pense que quand on se déclare, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup, on se professionnalise. Voilà. Et quand on demeure dans tout ce qui n'est pas régularisé, c'est un peu compliqué. On n'est pas reconnu et du coup, c'est pas intéressant. Voilà. On n'est pas reconnu, du coup, c'est pas intéressant. Alors, Monsieur Kwasi, parlons à présent de ceux qui sont identifiés comme PME, etc. De votre expérience de consultant, est-ce que les PME ont véritablement accès aujourd'hui aux différentes formations? Quels sont les défis rencontrés dans le domaine de la formation? Bon, déjà, je tiens à remercier le gouvernement. Déjà, je vois que dans l'enseignement technique, il y a les formations. Il y a les formations qui se font et ils accompagnent ces artisans, qu'ils soient les techniciens, voilà, dans les différents corps de métier. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, comprendre, c'est que la formation, c'est d'un intérêt capital. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans nos sociétés modernes, là où il y a un manque de formation, réside la médiocrité, réside un manque de connaissances, manque de professionnalisme. Et là où il y a manque de connaissances, oui, le manque de connaissances est un grand tueur de richesse. Voilà. Et donc, la formation, je qualifie la formation comme l'acquisition de la connaissance dans son domaine de définition ou dans son domaine d'activité. Et donc, lorsqu'on est formé, on va vite. On évite beaucoup de choses. Voilà. Parce que quand on n'est pas formé, on va juste apprendre sur l'état. Il y a le talent. Ça, je crois à cela. Il y a le talent, mais il faut perfectionner ce talent. Voilà, il faut perfectionner ce talent. Donc, aujourd'hui, la formation est très importante. Ça permet d'acquérir le professionnalisme. Voilà, d'acquérir la discipline dans la gestion des affaires. Et cela contribue fortement à la croissance des PME. Alors, Monsieur Kouassi, parlons désormais donc de la valeur ajoutée de la formation. Concrètement, quels sont les avantages que les PME tirent-elles donc d'un investissement dans la formation continue de ses employés et de ses dirigeants, hein? En quoi est-ce que c'est toujours nécessaire d'investir dans la formation? Certains patrons même trouvent que on néglige un peu dans certaines entreprises, mais vous qui êtes expert, dites-nous. D'abord, il faut dire que il faut parler des enjeux de la formation. Okay. Voilà. Donc, les entreprises, la formation des employés est un véritable levier pour maintenir la compétitivité et l'innovation. Je répète, c'est un levier essentiel pour maintenir la compétitivité et l'innovation. Elle permet d'anticiper les mutations technologiques et d'adapter les compétences internes aux nouvelles réalités du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne donne pas de formation comme ça. Oui. Chaque entreprise a sa culture d'entreprise, a sa culture. Et la culture d'entreprise prend sa source dans la vision de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que telle une entreprise s'habille, les tenues vestimentaires, leur manière de faire, tout provient d'une vision. Et la vision est caractérisée par la culture d'entreprise. Et donc, à partir de ce qu'on veut, de là où on veut partir, l'objectif à atteindre, on donne les formations par rapport à ça. Donc, la formation n'est pas donnée comme ça. D'autres sont qu'on a besoin de formation en cours. Non. Si j'ai ma vision, la vision d'entreprise, j'ai créé mon entreprise et par rapport à là où je veux partir, est-ce que vous comprenez? Là où je veux partir, il y a ce dont je n'ai pas. Je verrai mes faiblesses. Un diagnostic interne, je verrai mes faiblesses, je verrai mes forces. Ce que je n'ai pas, je me forme là-dedans. Voilà. C'est de façon spécifique. Je me forme là-dedans pour atteindre mes objectifs, pour arriver là où je vais. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, la formation est importante. Voici ses enjeux. Elle permet aussi de faire quoi? Elle permet de maintenir, voilà, le maintien de la culture d'entreprise. Parce que la culture d'entreprise détermine l'éducation d'une entreprise. Ce sur quoi nous nous reposons, notre fondation. Donc, du coup, s'il y a une formation qui ne rentre pas dans ce cadre, je ne fais pas. Voilà. Donc, c'est la boussole, la culture d'entreprise. Et donc, par rapport aux objectifs d'entreprise, par rapport à l'avenir d'entreprise, nous ferons des formations par rapport à ça. Donc, l'entreprise n'est pas sujet à toute forme de formation. Voilà. Donc, il faut bien regarder. D'autres ont dit non, bon, il y a telle formation, il m'a fait, il y a telle, et puis, j'attends telle certification pour dire que non. Est-ce que ça va avec ma culture d'entreprise? Est-ce que ça va avec la vision qu'on a? Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, ça permet l'adaptation aux évolutions. C'est-à-dire que ça permet, parce que le marché est dynamique. Oui. Le marché est très dynamique. On a l'IA qui est là maintenant, il y a la nouvelle technologie. On sait que tout va vite. Voilà, tout va vite. Donc, du coup, dès que tout le monde doit être mis à jour. Voilà, par rapport aux outils qu'on va utiliser. Par rapport à là où on est en train de partir, dans nos plans, voici d'autres réalités qui s'opposent à nous, qui s'imposent à nous. Par exemple, l'IA. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à adapter, on va réfléchir par rapport à la vision qu'on a, l'utilité de l'IA. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis former tout le monde par rapport à ça. C'est-à-dire, quand vous parlez d'adaptation, donc autrefois, par exemple, on parlait de savoir maîtriser Excel, maîtriser Word, en tout, maîtriser Microsoft Office. Mais aujourd'hui, il semble que c'est devenu ordinaire. Tout le monde cherche à maîtriser le plus rapidement possible l'intelligence artificielle, de sorte qu'on ne soit pas dépassé. C'est bien cela, l'adaptation. Oui, c'est bien cela, parce que, comme je l'ai dit, le marché est dynamique. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux de communication qui permettent de vendre. Voilà, donc on n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, on est obligé de, parce que c'est une force, c'est une part du marché aussi. C'est une part du marché, c'est-à-dire que on a la vente physique, mais on a la vente aussi en ligne. Donc, du coup, il faut exploiter tous ces canaux-là pour pouvoir maximiser son chiffre d'affaires. Donc, du coup, l'entreprise, les PME doivent forcément s'adapter à cela. Donc, ça passe aussi par une formation. Ça passe par une formation. Alors, Monsieur Kouassi, quelle est la part de la formation dans la réussite ou dans le chèque, par exemple, d'un jeune entrepreneur, d'un nouveau entrepreneur, quelqu'un qui se lance nouvellement donc dans l'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit, là où il y a un manque de formation, il y a un manque de connaissances. Et là où il y a un manque de connaissances, on peut voir la médiocrité. La médiocrité sur toutes ses formes, l'indiscipline. Et là où vous voyez ces choses, c'est que cette entreprise n'a pas de culture d'entreprise. Voilà, donc elle n'est pas disciplinée. Et donc, du coup, voilà, tout part de là. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a créé notre entreprise pour juste... parce que quand on a une vision, elle se nourrit. Et ça passe... C'est-à-dire que la formation aussi fait partie de cette vision. Parce que lorsque nous commençons une entreprise, tous les départements existent en miniature. En miniature. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, les services seront bien définis. Après, ça devient les directions. Après, ça devient les départements. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais... dès le départ, c'est d'abord en miniature. Mais pour que ça passe du service en département, il y a des formations qu'il faut envoyer, il faut apporter. Il faut prendre les personnes qu'il faut et il faut les former et à toute forme d'outils pour atteindre ses objectifs. Maintenant, ce qui permet à l'entreprise de réussir. La seconde chose, de l'autre côté, lorsque une entreprise ne peut prospérer lorsque il y a la médiocrité. Parce que ce qui peut expliquer la médiocrité, c'est le manque de formation. Voilà. Donc, l'échec d'une entreprise, c'est parce qu'il y a un manque de vision. Lorsqu'il y a un manque de culture d'entreprise, il n'y a pas de culture d'entreprise. Et lorsqu'il n'y a pas de culture d'entreprise, c'est comme un enfant qui n'est pas éduqué. Voilà. Un enfant qui n'est pas éduqué, papa, maman n'est pas là. Et vous voyez, il est livré à lui-même. À un moment donné, vous voyez qu'il va faire beaucoup de sorties de route. Il n'a pas de conseiller, il n'est pas formé, il n'a pas d'éducation. Et du coup, cet enfant, c'est difficile pour lui de réussir. Parce que la base de l'éducation, lui dit la formation, cet enfant n'a pas. C'est pareil pour une entreprise. Tel on dit personne physique qui est l'enfant, tel on dit personne morale qui est l'entreprise. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Que diriez-vous des chefs d'entreprise qui quand même hésitent par moment quand les employés demandent à être formés pour tel domaine spécifique ou pour l'usage de telle nouvelle machine, etc. Par moment, ils sont un peu lents. Ils négligent les aspects de la formation. Bon, est-ce qu'ils négligent? Voilà, parce que il faut aussi dire que la formation elle est coûteuse. Voilà, et donc tout se prépare. Et sinon, je ne pense pas que un entrepreneur, parce que pour créer, pour faire connaître une idée, c'est que on est quand même intelligent. On a réfléchi à beaucoup de choses. Et donc, il peut arriver que l'entrepreneur, les temps de formation qu'il a fixé ne sont pas encore arrivés. Voilà. Parce que l'entreprise, c'est un programme. Et il estime que pour le moment, nous ne pouvons pas faire de formation parce que voilà, nous manquons de moyens ou bien parce que nous sommes à l'étape. Parce que une vision se décline en plusieurs thèmes. Une vision se décline en plusieurs thèmes. On peut prendre un thème, par exemple, un thème qui peut peut-être faire 2 ans, 3 ans, où on inculque, parce que c'est plusieurs, c'est un gros morceau, la vision, qui est la culture d'entreprise. Donc, il faut diviser en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Donc, du coup, tant que dans son programme, il peut avoir une année où c'est dédié à des formations. Mais tant qu'il n'est pas encore arrivé là, à ce niveau, il ne fera pas de formation. On ne dira pas qu'il ne veut pas. Mais dans le programme, la progression de l'entreprise, ils n'ont pas encore besoin de ça. Il y a certaines choses qu'il faut qu'ils s'effectuent d'abord. Donc, je ne crois pas qu'un entrepreneur refuse. Sinon, s'il refuse, c'est qu'il a un manque de vision. Il a un manque de vision. Parce que la formation est primordiale. La formation permet la réussite de l'entreprise. Maintenant, pour qu'il y ait formation, il faut aussi avoir la veille, un diagnostic interne. C'est-à-dire que l'entreprise doit se prêter à cet exercice en diagnostiquant ses forces, ses faiblesses à chaque fois et faire aussi un diagnostic externe par rapport au marché. C'est tout ça là qui fait qu'on arrive à faire une formation, une bonne formation. Parce que faut pas, les gens, tout le monde propose des formations, mais est-ce que pour le moment on a besoin de ça? C'est ça qui est important. On a quel niveau? Dans la vision, dans la progression de la vision, nous sommes à quel niveau? Voilà. Peut-être qu'on s'est dit que avant de pouvoir faire telle formation, il faille que ça prenne 2 ans, 3 ans d'abord. Et puis, il faut que tel service soit né ou bien tel département soit créé. Mais c'est pas encore créé. Et que, bon, on peut encore fonctionner comme ça parce que c'est un objectif, c'est une mission. Il faut bien déterminer. Et donc, on n'est pas encore arrivé là. Bon, on va attendre. Ouais. On va attendre. Voilà. On va attendre parce que la formation, comme je dis, elle est coûteuse. Elle est coûteuse. Voilà. Et puis aussi, il y a les mutations, il y a la migration des compétences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup, dès qu'on finit de former, on mise sur la formation. Et dès qu'on finit de les former, bon, ils sont débauchés, ils sont partis. Il y a ça aussi. Donc, souvent, les chefs d'entreprise regardent, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas former. Il faut former. Il faut former. Voilà. Donc, au moins, c'est ce que je peux dire. Alors, M. Kouassi, ayant longtemps travaillé avec les PME, quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les formations prioritaires pour les PME, les petites et moyennes entreprises? Quelles sont les formations qu'il faut absolument que ces PME la fassent, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est au niveau de la connaissance de la technique ou le management, les numériques, c'est-à-dire le digital aujourd'hui, ou peut-être les finances? Bon, comme je l'ai dit, chaque entreprise a sa vision, voilà, a son domaine de définition, et je pense que on doit se former dans tout, que ce soit l'intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement durable, tout ce qui est finance, on doit se former dans tout. Voilà, puisque aujourd'hui l'entreprise est dynamique, l'entreprise prend en compte tout cela. Et donc, toutes ces choses, tous ces secteurs, tous ces services-là, donc l'entreprise doit former. On doit pas, par exemple, si vous décidez de vous former en finance seulement, et les autres, vous voyez que vous serez déséquilibré. Voilà, pour ne pas être déséquilibré, je pense que dans la gestion administrative, nous avons la comptabilité, nous avons la fonction commerciale, nous avons la fonction de gestion des stocks, on a tout ça là. On a la, on a le marketing, le service commercial, tout ça là. Donc, si nous avons décidé d'avoir 10 joueurs sur le terrain, selon leurs compétences, il faut les former pour ça. Ça, c'est un exemple, par exemple. J'aime prendre l'exemple de l'équipe de football. Voilà. Parce que c'est plus pratique. Si j'ai 10 joueurs sur le terrain qui ont différents rôles, je vais trouver des formations différentes pour eux. Parce que la formation du milieu de terrain n'est pas pareille que la formation du défenseur. Voilà. Ni du gardien de but. Ni du gardien de but. C'est différent. Donc, vous voyez que une entreprise, c'est comme une équipe de football. Voilà. Donc, tous ces compartiments, on a besoin de toutes ces formations, on a besoin de ça pour pouvoir être une bonne équipe qui gagne. Donc, une bonne entreprise qui se forme dans plusieurs domaines, c'est une entreprise qui gagne, forcément. Alors, Monsieur Kouassi, bien avant de continuer, mesdames et messieurs auditeurs de la 105.2 MHz, vous êtes donc en direct de l'émission. On veut tout comprendre avec Monsieur Kouassi Priva, qui est consultant des PME auprès du cabinet GEM, jeune entrepreneur milliardaire. Et en ce moment, Monsieur Kouassi prépare une formation prévue pour le samedi 27 septembre 2025 à l'hôtel Éléphant, où il formera ou distribuera donc des connaissances à des jeunes entrepreneurs qui ont pour ambition de devenir milliardaires. Monsieur Kouassi, selon vous, dans quelle mesure les cabinets comme le vôtre, GEM, jeunes entrepreneurs milliardaires, accompagnent-ils les PME dans le processus de la formation? D'accord, déjà, les mesures du cabinet comme GEM, voilà, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, nous ne venons pas donner une formation et puis partir. Voilà. Donc, ce n'est pas des formations académiques où les gens s'attendent à plus de certificats. Certification, c'est ça, non? Certification. Oui. Ils veulent des diplômes certifiés. Voilà. Nous, c'est, nos diplômes certifiés, c'est la pratique. Parce que nous estimons que, après la formation, il faut, ce que nous avons dit de façon théorique, nous pouvons montrer à tous nos clients que nous pouvons aussi pratiquer. Nous suivons de bout en bout. C'est-à-dire que une idée qui est fécondée, par exemple, qui devient une entreprise, voilà, l'entreprise est créée. Ce que nous allons faire, c'est de venir diagnostiquer, parce que les gens ne disent pas tout. Le gros problème des PME, c'est la gestion de l'argent. Le gros problème des PME, c'est la gestion de l'argent. Et donc, comme je l'ai dit, dès lors où il a créé son entreprise pour pouvoir subvenir à ses besoins, hein, c'est clair que à chaque fois, il va prendre pour se nourrir et ça va se développer. Et donc, nous, ce que nous faisons, on va dire à cette entreprise pour dire non, voilà ce qu'on va faire. Il faut avoir en miniature un service commercial. Il faut que vous ouvriez une page Facebook. Il faut que vous soyez en règle vis-à-vis de la loi. Il faut que, voilà, donc tout ce qui lui permet d'être une entreprise normale et d'être dans la légalité, il le fait. Maintenant, on va suivre ses opérations. C'est-à-dire que nous l'accompagnons de bout à bout. C'est-à-dire que on va mettre en place un service administratif, on va mettre en place tout ce qu'il faut, service commercial, tout ce qu'il faut, et puis on va l'apprendre à multiplier. C'est-à-dire que à faire des rapports, à faire des factures, à faire mettre un logiciel de gestion en place pour lui. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment, la comptabilité, installer une comptabilité, voilà, on n'a pas besoin d'être une grande entreprise pour mettre une comptabilité en place. La comptabilité commence en miniature et les entrées et les sorties sont vérifiées. Et du coup, lui-même, il verra que l'agent, il va se fixer un salaire. Le gros piège, quand le responsable de PME dit que non, moi, je n'ai pas de salaire. En réalité, dès que moi, j'entends ça, je dis, mais l'entreprise est en danger. Parce que dès lors où il n'a pas de salaire, il vit comment? Donc, ça veut dire qu'il peut étouffer rapidement parce que ses entrées, ses sorties ne sont pas contrôlées. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est un indice. Quand il dit, non, moi, je n'ai pas de salaire, je fais etc. Non, il faut te fixer un salaire. Donc, partout, on arrive, on leur demande de se fixer un salaire. Et puis, dès lors, il fixe son salaire, il n'a plus besoin de regarder de la caisse encore. Ça ne l'appartient plus. Et donc, du coup, ce qu'il doit épargner, combien il gagne, ce qu'il doit pouvoir épargner, parce que s'il commence à épargner 5000 francs par jour, voyez-vous, 5000 francs par jour, en 30 jours, ça lui fait 20 jours, par exemple. Oui. En 20 jours, ça lui fait 10 jours, c'est 50 000. Oui. 100 000. Est-ce que vous voyez? Maintenant, 100 000 francs en 10 mois, vous voyez que ça lui fait 1 million. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous voyez que on est parti. Quand on arrive, il faut que ce soit possible. Les 1 million compte, les 5 000 qu'il met par jour, en 10 mois, ça lui fait 1 million. N'est-ce pas? 1 million, mais quand on compare au 1er janvier, à la fin de l'année, il n'est plus au salaire de 5 000, mais il a 1 million. Mais les 1 million peuvent encore développer son activité. C'est-à-dire que les 1 million, il peut prendre pour augmenter son capital. Et puis, l'année qui va suivre, il ne va plus mettre 5 000 francs de côté, mais plutôt 10 000 de côté. Oui. Voilà, 10 000. Donc, du coup, ils sont en train de développer son business comme ça. Donc, c'est la rigueur, la discipline au sein de la comptabilité. Dès lors, il n'y a pas ça. Et beaucoup de jeunes manquent de caractère. Parce qu'ils disent, mais quand l'argent touche ma main, ça s'en va. Ils manquent de caractère pour pouvoir dominer sur l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, ne pas être prospère. C'est-à-dire que si Sémi rentre et il a envie de manger poisson à braise, 4 000. Mais l'outil que vous utilisez, il faut l'amortir. Oui. Parce que si la machine que vous utilisez pour travailler et que vous, elle vous donne du lait, vous buvez tout le lait sans en garder aussi pour en faire du beurre ou bien du fromage. Mais demain, quand la machine prend un coup, qu'est-ce que vous prenez pour réparer? Donc du coup, la machine qui a pris un coup, il n'y a pas d'argent pour réparer. Donc un jour, deux jours, trois jours, mais les clients vont partir ailleurs. Donc tout ça, ça à prendre en compte. Et donc du coup, quand tu me dis qu'il n'a pas de salaire, il dit non, c'est pas possible. Il faut que tu aides. Parce que si tu n'as pas de salaire, l'entreprise est en danger. Voilà. Et puis, comment faire pour payer ses fournisseurs à temps? Parce que si tu ne payes pas le fournisseur, à un moment donné, le mois prochain, le fournisseur ne va pas te donner de la marchandise. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons à avoir des bons de commande, à se déclarer auprès des fournisseurs, parce qu'il est dans cette méthode, il est bon de travailler, aller voir le fournisseur pour dire, donne-moi les marchandises et à la fin du mois, je te paye. Parce qu'enlever l'argent liquide, à chaque fois, ça fatigue la caisse. Donc, du coup, nous travaillons un mois et puis, après 30 jours, on lui fait un chèque. Ou bien après 30 jours, on fait le point de ses factures et puis on lui donne son argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, on a eu le temps de réfléchir, de planifier, ainsi de suite. Sinon, payer de façon liquide à chaque fois chez le fournisseur, c'est pas rentable. C'est pas rentable pour l'entreprise. Voilà, donc, c'est tous ces principes que nous apprenons. Alors, comment ils font? Je précise que nous tendons donc vers la fin de cet entretien, cette émission. Comment ces PME-là font pour entrer en contact avec GEM? Est-ce que vous existez à Boaké ici également? Ou est-ce que c'est à Abidjan ou uniquement? Voilà, donc ces jeunes qui nous écoutent en ce moment, ces chefs d'entreprise qui nous écoutent en ce moment et qui se disent waouh, ce qu'ils racontent c'est beaucoup sérieux, je veux évoluer, je veux devenir milliardaire, alors comment on fait pour avoir l'assistance du cabinet GEM? D'accord, ce que je veux d'abord rappeler, c'est que une entreprise doit être générationnelle. Une entreprise ne peut pas exister. Vous créez une entreprise, mais ce n'est pas pour vous seul. Voilà. Et donc, des gens doivent venir travailler à l'intérieur. Maintenant, la question est de savoir comment nous contacter. Le cabinet GEM se trouve à Boaké, mais nous ne sommes pas liés d'un domicile fixe. C'est-à-dire que si vous êtes à Abidjan, voilà, on peut détacher les personnes, aller vous assister là-bas. Voilà, nous sommes pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, nous intervenons à Boaké, à Abidjan, pour le moment. Voilà, et donc, et je pense que si après ce séminaire, l'objectif c'est quoi? C'est de regrouper, de créer un réseau. Un réseau de jeunes qu'on va suivre. C'est-à-dire qu'au lieu, quand vous êtes seul pour une entreprise, pour avoir une application de gestion, par exemple, vous pouvez payer jusqu'à allant 500 000. Alors que si vous mettez, on crée un réseau avec de 20 personnes dans un domaine, par exemple, les différents domaines. C'est-à-dire qu'ils peuvent, au lieu de payer 600 000, peut-être ils vont payer peut-être 20 000. Oui. Voilà, 20 000 ou quelque chose comme ça. Mais dans cette plateforme, quand vous rentrez, chacun a son activité. C'est-à-dire que moi, c'est comme je suis rentré dans la commune de Boaké, mais chacun a sa maison. Chacun a sa maison. C'est-à-dire que je rentre dans mon activité, c'est pour moi. J'ai mon codo, ainsi de suite. Donc, c'est un truc comme ça, des facilités. Ce que nous ne pouvons pas avoir qui coûte 1 million, 2 millions, on peut l'avoir à coup de... quand nous sommes dans un réseau, on peut l'avoir à 25 000, à 30 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, nous sommes là pour eux. Ils peuvent nous contacter déjà au 01 40 29 06 16 ou au 07 13. Voilà, 07 13 06 25 34. Voilà, donc nous sommes là pour eux. Et ici, ils peuvent aller aussi sur la page Jeune Entrepreneur, Facebook Jeune Entrepreneur Milliardaire. Voilà, nous avons les contacts là-bas. Ils peuvent entrer en contact avec nous, voilà, via WhatsApp, et ainsi de suite. Donc, voilà, le temps est venu où les jeunes doivent comprendre que aller, il n'y a rien de l'autre côté là-bas. Aller se prendre un bateau, c'est trop risqué. Aller concevoir un plan pour aller se jeter à la mer parce qu'on pense que l'Europe, c'est l'Eldorado. Je veux ici rappeler cette phrase du feu Félix Oboyen, le premier président de la Côte d'Ivoire que j'aime bien, le retour à la terre. En réalité, quand il le disait, cette phrase, les gens ont compris juste aller prendre une machette et retourner à la terre. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que retour à la terre veut dire retour à la source, retour aux valeurs, retour aux principes de base, retour, voilà. Ça veut dire que chaque Ivoirien doit soutenir la croissance économique. Selon nos formations, lorsque nous sortons, nous pouvons nous installer. Nous pouvons nous installer, bâtir une entreprise. C'est ça, retour à la terre, pour soutenir la croissance économique. Nous avons rôle en tant qu'Ivoirien, en tant que résident en Côte d'Ivoire, nous avons pour mandat de soutenir l'économie ivoirienne à travers les PME. Nous avons mandat. C'est-à-dire qu'on attend tout de l'État. L'État doit donner ceci. Non, l'État a pour rôle de garantir la paix. L'État a pour rôle de garantir une atmosphère propice aux affaires. Ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, le reste, tout ce qui est entrepreneuriat, ça, c'est nous. Voilà, nous avons, l'État nous a permis de bénéficier d'une formation, l'État nous a permis de bénéficier des écoles, voilà, des écoles. Maintenant, quand nous sortons, le talent que nous avons, en plus ce que nous avons appris à l'école, parce que l'école ne donne pas tout, ce que nous avons appris à l'école, c'est de venir monnayer ça, de créer son entreprise, et l'État est là pour nous assister. Et donc, c'est, nous avons mandat, nous, en tant que jeunes, de créer les entreprises. Voilà, une entreprise demande beaucoup de sacrifices. On peut créer une entreprise, même si vous êtes tombé une fois, deux fois, trois fois, il faut reprendre. C'est ça la persévérance, il faut reprendre. Maintenant, sauf si vous n'êtes pas appelé à cela. Sinon, quand vous êtes appelé à une mission, quand c'est votre fardeau, parce qu'une entreprise est créée pour répondre à des besoins, n'est-ce pas? Pour répondre à des besoins. Et donc, parce que vous regardez dans la société, il y a quelque chose, il y a un manque. Et vous cherchez à combler. Donc, je dis des idées non communes. Avoir des idées non communes. Pas parce que l'autre fait, ça marche. Moi, si ma mère fait, ça va marcher. Non. Parce que l'autre a reçu une idée non commune. Elle a fait pour elle, ça marche. Maintenant, vous, cherchez pour vous aussi. Et établissez-vous. Donc, voilà un peu. Et effectivement, vous m'avez donné à réfléchir lorsque vous avez évoqué donc les traversées en mer. Il n'y a pas que ça. Les jeunes aussi croient que observer des rituels mystiques pourrait donc être aussi une source de richesse, de se faire des milliards. Quelle est votre réflexion sur cette question, les sacrifices, en tout cas les travaux mystiques, etc. Mon avis là-dessus, c'est que ça a toujours une fin désagréable. Voilà, ça a toujours une fin. Voilà, les histoires se répètent. Voilà, on peut fouiller, il y a toujours, ce sont les raccourcis aussi, mais je pense que tout raccourci mène à un chemin désagréable. Voilà, donc c'est pareil, aller faire des rituels, mais ce qu'on a constaté, c'est que à la fin, parce que faut pas penser à soi-même, faut penser aussi à sa progéniture. Parce que quand on bâtit une entreprise, quand on pose des actions, c'est pour nos progénitures. Et je dis toujours, une entreprise n'est qu'une entreprise quand elle est générationnelle. C'est-à-dire que quand le père finit, ses enfants prennent, les petits-enfants, ainsi de suite. Donc, une entreprise, c'est pas simplement un fast-food, non. Où on veut faire du café instantané et puis avoir de l'argent, non. C'est pour tout, on bâtit l'avenir de toute une génération. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, les raccourcis ne peuvent pas mener à cela. Parce que dans les raccourcis, il n'y a pas... je vois l'envie. Je vois... comment on appelle ça? Des personnes qui envieuses. Je vois des personnes qui veulent vivre s'enrichir. Mais une entreprise, dès lors, on ne fait pas parce qu'on a envie de s'enrichir. parce qu'on a un fardeau, on veut répondre à un besoin. Nous sommes quelqu'un qui a une entreprise, qui est entrepreneur, et d'abord un missionnaire. Et ceux qui veulent renverser l'entreprise et gagner l'argent rapidement, et prendre des raccourcis, ils sont des mercenaires. Les mercenaires n'ont pas de vision. Les mercenaires prennent des raccourcis. Des mercenaires veulent gagner vite l'argent. Et donc, du coup, ils sont prêts à prendre la route de la mer, ils sont prêts à prendre des risques, pas possible. Voilà. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un de mature. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait où il va. L'entrepreneur, ça veut dire qu'il a déjà vu la fin. Il a déjà vu la fin. Ça veut dire comment son entreprise sera dans 30 ans, lui, dans 50 ans, lui, il a déjà vu ça. Mais il pense grand, ça veut dire qu'il a déjà vu ça, mais il commence en miniature. Et comme il a déjà vu comment l'entreprise sera dans 30 ans, 50 ans, ça l'encourage. Donc, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Il apprend dans l'humilité et il planifie tout. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'encourage les jeunes. Voilà, la porte de la mer n'est pas la solution. La porte des riches n'est pas la solution. Il faut chercher à découvrir son talent et à féconder ce talent en entreprise. Et voilà qui est bien dit. Pour terminer donc cette mission, Monsieur Kouassi Privat, nous vous donnons donc l'opportunité de revenir sur la formation qui aura bel et bien lieu et donc ici à Boaké. Revenez donc le thème, rappelez le thème et la date, l'heure et surtout le prix des tickets. Ok, merci Monsieur Koné pour cette opportunité encore. Et donc je disais que nous sommes à quelques jours, voilà, donc j'invite chacun à prendre son ticket et les places, le nombre de places qui restent sont limités. Nous n'avons que 200 places, voilà, 150 places grand public et 50 places VIP. Voilà, donc il faut rapidement s'inscrire. Et puis, si vous n'avez pas vous inscrire, appelez-nous directement à travers le 01 40 29 06 16 et puis le 07 06 04 06 67. Et le 01 40 29 06 16. Si vous n'arrivez pas à payer, voilà, ou vous inscrire, faites-nous signe, voilà, on va vous aider. Voilà, donc ça va commencer de 8h à 15h. Et comme je l'ai dit dans cette formation, il y aura des sponsors, des personnes, voilà, que le cabinet J'aime à coacher qui seront là, qui vont raconter comment est-ce qu'ils ont débuté. Leurs difficultés, leurs forfaits, tout ce qu'ils ont traversé comme difficulté et comment ils ont persévéré, comment est-ce ils ont fait pour s'en sortir, voilà, pour que ça puisse les encourager. Maintenant, ça sera le samedi 25, le 27 du moins, samedi 27 septembre 2025, et vous pouvez partir sur la page Facebook Jeune Entrepreneur Milliardaire, vous cliquez, vous pouvez payer ou scanner. Ou payer à travers le numéro. Et donc, le numéro, c'est le 01 40 29 06 16. Directement, nous allons incrémenter un ticket pour vous envoyer via WhatsApp. Merci. Merci, M. Kouassi Privat. Juste une phrase pour terminer. Bon, la phrase dont je voulais dire s'adresse aux jeunes. On ne grandit que par son talent. On ne réussit que par son talent. Et il n'y a pas autre lieu. Parce que si vous quittez votre domaine de définition, si vous quittez ce que vous êtes pour mettre dans un autre domaine, je doute fort que vous réussissez. Et donc, le talent, c'est ce que nous avons. Le talent, c'est le désir, ce que nous voulons voir réaliser. C'est ça qui s'exprime en nous. Et nous nous matérialisons en entreprise pour servir les gens, pour être à la disposition des hommes et des femmes dont nous appelons des consommateurs, dont nous répondons à un besoin. Donc, toute entreprise doit répondre à un besoin. Donc, si vous avez un rêve, c'est que ce rêve doit pouvoir faire du bien à plusieurs. Donc, j'appelle ça une idée non commune. C'est-à-dire que c'est à vous seulement que Dieu a déposé en vous. Et c'est comme un fardeau en vous. Et donc, du coup, vous devez matérialiser cela. N'ayez plus peur. Voilà, c'est vrai que ça nous arrache le sommeil quand on voit qu'on va laisser son boulot. On se pose la question, qui va payer mes factures? Qui va payer ceci? Il y a des enfants? Oui. Mais tout part de quelque part. Voilà, il y a toujours un début. Donc, et avant de partir de son entreprise, pour aller créer son entreprise, il faut d'abord avoir préparé cela. Il faut préparer cela. Donc, je vous remercie et puis je vous invite ce jour à venir encore écouter comment est-ce qu'on va multiplier nos sources de revenus. C'est ce qui est important. Merci bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, auditeurs de la 105.2 MHz. C'était monsieur Kwasi Priva, donc, qui est formateur, consultant auprès des PME et donc, qui, aujourd'hui, au nom du cabinet GEM, Jeune Entrepreneur Milliardaire, organise une formation ce samedi 27 septembre, donc, 2025. À l'hôtel Éléphant, et nous vous invitons à y être, mesdames et messieurs, et surtout, restez connectés pour la suite des programmes de la radio Gbeke FM. Merci. On veut mieux comprendre. C'est votre entretien consacré à des sujets d'intérêt général. On veut mieux comprendre. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis après le Mag Info de 12h15 et 18h15. Présentation, Barthélémy Conné.